cours. Quand je suis près de toi, j'ai trop d'amour. Au fond de moi, alors j'ai peur pour vivre à deux. Tant de bonheur, toute une vie c'est peu. Mais mon bonheur sera sans fin. Ha ha ha ha ha.